Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 41. De la crainte. Nature de la crainte. 6 espèces de crainte. 1. La crainte est-elle une passion de l'âme? La crainte est, de tous les mouvements de l'âme, à l'exception de la tristesse, celui qui réunit au plus haut point toutes les conditions d'une passion. En effet, elle est évidemment un mouvement de l'appétit sensitif, comme le démontre la contraction, effet physique dont elle est accompagnée. Ce mouvement se rapporte, en outre, à quelque chose de nuisible, c'est-à-dire au mal, selon que le mal triomphe du bien et produit un état pire. Note. La crainte est une passion par laquelle l'âme s'éloigne d'un mal difficile à éviter. Confère Bossuet. 2. La crainte est-elle une passion spéciale de l'âme? La crainte est une passion spéciale, distincte et séparée des autres. En effet, elle a un objet particulier tout aussi bien que l'espérance, car si celle-ci poursuit un bien futur, difficile et possible, la crainte est excitée par un mal futur auquel on ne peut résister. 3. Y a-t-il une crainte naturelle? À parler en toute rigueur, il n'y a pas de crainte qui soit purement naturelle. Ce qui est naturel se rencontre dans les êtres inanimés, tout aussi bien que dans les êtres animés, comme on le voit par l'accroissement naturel des animaux et des plantes. Mais comme, dans un sens large, on appelle mouvement naturel celui qui, étant préparé par la nature, s'accomplit par la perception, on peut dire qu'il y a une crainte naturelle, c'est celle du mal destructif, que tout être fuit par un instinct de conservation. 4. A-t-on bien distingué les espèces de crainte? Saint Jean Damascène en a signalé avec raison 6 espèces, qui sont, la lâcheté, la pudeur, la honte, l'étonnement, la stupeur et l'angoisse. La lâcheté, pour s'épargner une fatigue, refuse de travailler. La pudeur craint de blesser l'opinion par un acte inconvenant. La honte a pour objet des actes inconvenants déjà commis. L'étonnement considère un grand mal sans découvrir le moyen de l'éviter. La stupeur provient d'un malheur inouï dont l'imagination est extraordinairement frappée. L'angoisse réduit un homme à l'extrémité par l'impuissance où il se voit de conjurer un mal imprévu qui vient le frapper subitement. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.